Donc, un des joueurs qui avait pas le droit de jouer avec Saint-Félicien. Donc, ça, c'est un joueur aussi, c'est un joueur qui est en ce moment sur le territoire de Chicoutimi. Donc, oui, on a plusieurs prospects dans le haut du lac. Et Alexandre Quesnel, des Marquis de Jonquière, a été nommé la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. Quesnel a marqué 3 buts et a amassé 2 passes en 2 matchs. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Sébastien Morin, la voix des Saguenayens de Chicoutimi. Également, je me suis entretenu aussi avec Nick Manachi des Cougars de Chicoutimi. Et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin. Sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.